بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد تكلمنا عن حكم البسملة وأنه لا ينبغي للمسلم أن يتركها ولو كانت سنة. Nous avons abordé la semaine dernière le sujet lié à la basmala, la prononciation de la basmala au début des ablutions. Et on a vu qu'il n'est pas convenable aux musulmans de la délaisser, même si c'est une sunna. Wa fi hadithi Uthman, mas'alatu ghasl al-yadayn, ghasl al-yadayn kharij al-ina fi awwal al-wudu'. Il y a aussi, dans le hadith de Uthman, le sujet lié au fait de laver les mains à l'extérieur du récipient au début des ablutions. Et ce sujet-là aussi, on l'a abordé avec Al-Malikiya. Bon, après, vous allez me dire, Al-Malikiya, tu les cites tous les jours. Mais bon. Et donc, on avait dit, concernant ce sujet, laver les mains au début des ablutions, wajib ou sunnah. Le fait de laver les mains au début des ablutions. Wajib ou sunna? Sunna. Wa meta yakunu wajiban. Et c'est quand que ça devient obligatoire? Idha staiqadha min an-nawm. Lorsque la personne se réveille après avoir dormi la nuit. Et ça, c'est l'avis de? Ça, c'est l'avis de l'Hanabila. Et c'est quoi l'avis de l'Jumhur? C'est que ce n'est pas obligatoire. Sunna. Et c'est quoi l'avis de Malik? C'est que ce n'est pas obligatoire. On avait corrigé. Rappelez-vous, c'est ce qu'on avait corrigé. On avait corrigé, on avait dit non. Malik, ce n'est pas obligatoire. Comme le Jumhur. J'ai fait exprès de revenir là-dessus au cas où si la correction n'avait pas été faite. Comme ça, Inch'Allah, elle se fait petit à petit, Inch'Allah. طيب ثم في حديث عثمان أو في الحديث أن عثمان تمضمض واستنشق واستنثر. Et donc dans le hadith il y a le fait que Uthman, donc pendant qu'il faisait les ablutions, tamadmada, il a fait le mandmada, il a mis l'eau dans la bouche et a donc harraka dhalik, c'est-à-dire qu'il a fait donc bouger l'eau dans sa bouche, il a remué l'eau dans sa bouche. Et istanshaqa, le fait d'aspirer l'eau par le nez, ou astanthar, le fait de rejeter l'eau par le nez. Femeh hukmu hadhihi al-af'al. Quel est le jugement concernant à toutes ces actions que nous venons de citer? Fa'awalan yanbaghi an yu'lam anna al-ulama ajma'u ala wujubi ghasli al-wajhi fi al-wudu', kama dhakarahu Ibn Abd al-Barr wa an-Nawawi wa ghayruhuma. Et donc, premièrement, il est important de savoir que les savants sont unanimes sur l'obligation de se laver le visage durant les ablutions. Et parmi les savants qui ont cité l'unanimité, il y a Ibn Abd al-Barr, ainsi que An-Nawawi. Ibn Abd al-Barr qui fait partie des savants du madhhab Maliki. An-Nawawi qui fait partie des savants du madhhab Shafi'i. Tayyib, barakallahu fikoum. Thumma akhtalafu fil madmada. Et donc ensuite, ils ont divergé concernant le madmada, le fait de rentrer l'eau dans la bouche. Faqala al-jumhur, ay al-malikiyya wa al-shafi'iyya wa al-hanafiyya, bi anna al-madmada wa al-istinshaq sunnatan min sunan al-wudu. Al-jumhur, c'est-à-dire al-malikiyya, al-shafi'iyya wa al-hanafiyya, ils ont tous dit que al-madmada et al-istinshaq, le fait de mettre l'eau dans la bouche et de la remuer, et le fait d'aspirer l'eau par le nez, font partie des sunan, des ablutions. Donc, que c'est pas obligatoire. D'accord? Ils nous disent que ce n'est pas obligatoire. Istadallu bi ayatil wudu. Ils ont utilisé comme preuve le verset lié aux ablutions. Idha kumtum ila salat, farsilu wujuhakum. Lorsque vous vous levez pour accomplir la prière, alors lavez vos visages. قالوا إن الله تبارك وتعالى لم يذكر المضمضه والاستنشاق في هذه الايه مع انه ذكر اركان الوضوء فيها. Ils disent donc, dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala, lorsque Allah il dit, Farsilu wujuhakum wa aydiyakum, lavez vos visages et vos mains, dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala cite les piliers, les obligations des ablutions. Et il n'a pas cité al-madmada. Et il n'a pas cité non plus al-istinshaq, le fait de rentrer l'eau dans la bouche et le fait de rentrer l'eau dans le nez. Ils disent, et donc, c'est une sunnah. Et donc, c'est une sunna. وذهب الإمام أحمد إلى وجوب المضمضة والاستنشاق وذلك لأن الفم والأنف من الوجه وفعلهما النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك لا يتم غسل الوجه دون المضمضة والاستنشاق. Et donc l'imam Ahmed, lui, il voit qu'il est obligatoire de pratiquer El Madmada et El Istinshaq. Pourquoi? Ben parce que la bouche et le nez font partie du visage. Ils nous disent donc que la bouche et le nez font partie du visage. La divergence, elle est là. Une partie de la divergence est là. Définir le visage. Est-ce que la bouche et le nez font partie du visage? Lorsque Allah il nous dit « Lavez-vous vos visages », est-ce que la bouche et le nez en font partie? L'imam Ahmed qui nous dit, ça en fait partie, et la personne n'aura pas complètement lavé son visage tant qu'elle n'aura pas fait el-madmada et el-istinshaq. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout le temps fait el-madmada ainsi que el-istinshaq. وَاسْتَدَلُّ كَذَلِكَ بِحَدِيثِ لَقِيْتِ بْنُ صَبِرَ فِي سُنَنِ النَّسَائِي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فأبلغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما. Et ils se sont aussi appuyés sur un hadith dans Sunan al-Nasa'i, le hadith de l'Aqit ibn Sabira, qui dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, lorsque tu fais tes ablutions, alors accomplis, alors insiste dans l'istinshaq, insiste dans le fait d'aspirer l'eau par le nez, sauf si tu es jeûneur. Sauf si tu es jeûneur. Pourquoi sauf si tu es jeûneur? Pour éviter d'avaler l'eau. Et donc ils disent ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné l'istinshaq. Et donc c'est une obligation. C'est une obligation jusqu'à preuve du contraire. وَاسْتَدَلُّ أَيْضًا بِفِعْلِ النَّبِيِّ sallallahu alayhi wa sallam فَإِنَّ الصَّحَابَ لَمْ يَنْقُلُوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك المضمضة والاستنشاق مرة واحدة. Ils se sont aussi appuyés sur l'acte du prophète صلى الله عليه وسلم. Car les compagnons qui nous ont décrit les ablutions du prophète صلى الله عليه وسلم n'ont nullement cité que celui-ci a délaissé المضمضة ainsi que الاستنشاق une seule fois. Pas une seule fois. Et donc, es-sunnah, il est important de savoir que es-sunnah mubayyinatun lil-Qur'an. J'insiste souvent sur cela. Il est important de savoir que la sunnah explique le Qur'an. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit, inna anzalna ilayka dhikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilayhim. Certes, nous avons fait descendre sur toi le rappel, c'est-à-dire al-Qur'an. Nous avons fait descendre sur toi le Coran afin que tu expliques aux gens ce qui leur a été révélé. Et donc, afin que tu expliques aux gens, cette sunna va expliquer aux gens le Coran. Il est important donc, lorsque on voit les versets du Coran, qu'on ne délaisse pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin d'avoir une bonne compréhension. Fais sunna tutubayyinu al-Qur'an. فالله أمر بغسل الوجه والسنة تبين كيفية غسل الوجه. Et donc la sunna explique le Coran. Allah dans le Coran, il ordonne le fait de laver le visage et la sunna, elle nous montre comment laver ce visage. وهذا القول هو الأرجح إن شاء الله تعالى والله أعلم. Et cet avis est l'avis le plus juste. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Et donc l'avis qui stipule l'obligation. ثم القارئ في كتب الفقه سيجد أن كثيرا من الكتب لا تذكر الاستنثار. Celui qui lit dans les livres de fiqh verra que beaucoup de livres ne stipulent pas l'istinthar, le fait de rejeter l'eau par le nez une fois qu'on l'a aspiré. Pourquoi? Limaza. Pourquoi est-ce qu'il ne le cite pas l'istinthar? بل حتى في كتب الحنابلة الحنابلة يرون الوجوب الحنابلة يرون الوبليغاسيون ما يلسيت با فورسيمون الاستنثار بارك الله فيك ليس بوكو باسكو الغالب ان الشخص إذا استنشق أنه سيستنثر. Ils disent que, en général, une personne, lorsqu'elle aspire l'eau par son nez, elle va la rejeter. C'est pas souvent que la personne va aspirer l'eau par son nez et qu'elle va garder et avaler l'eau par la suite. C'est difficile, ça. N'essayez pas à la maison. طيب. لو أن شخصا تمضمض. Si une personne, elle fait, elle mademada. Elle met l'eau dans sa bouche. Et ensuite, franchement, il fait chaud. Je ne suis pas jeûneur. Allez, j'avale. Elle avale l'eau. Sahat-il madmada ou la? Est-ce que elle madmada, elle est juste ou pas? Normalement, non. Normalement, doit accrocher. Mais juste? Il a fait le... نعم تمام نعم اي دونك qu'est-ce qui est voulu par le madmada? Le madmada idkhal al ma fi al fam wa idaratu. Le madmada, c'est le fait de faire rentrer l'eau dans la bouche et de remuer cette eau dans la bouche. C'est ça le madmada. Et donc après, si la personne avale cette eau, on va lui dire ses ablutions sont valables. Walakin al akmal والافضل ان لا يبلع وان يخرج هذا الماء. Cependant, le mieux et le plus complet, c'est que la personne rejette cette eau et qu'elle ne l'avale pas. الشيخ ابن عثيمين يقول رحمه الله خاصة ان الانسان حينما يدير الماء في فمه او في فيه الماء سيتسخ بوجود ما في الفم. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, il dit, lorsque la personne va remuer l'eau dans sa bouche, l'eau va se salir, particulièrement à cause de ce qu'il y a dans la bouche. Et donc, le mieux, c'est de rejeter cette eau. Mais si la personne l'avale, on lui dira, la baisse, tes ablutions sont donc valables. C'est pendant qu'il fait le ramadan, là, il est tombé dans... Si, ça dépend de son intention après. Ça dépend de son intention. Masha'Allah. Tayyib. لو أن إنسانا عنده تركيبة. Si une personne porte ce qui s'appelle تركيبة. C'est quoi تركيبة? Un dentier. Barakallahu fiik. Masha'Allah. Si une personne, elle porte un dentier. هل يجب عليه نزعها للمضمضة؟ Est-ce qu'il lui est obligatoire de retirer ce dentier pour faire les pour faire la madmada? Alors, c'est obligatoire ou pas? T'as jamais retiré? C'est là qu'on va voir le jugement maintenant. Voilà. Est-ce qu'il faut refaire l'Aïcha? Alors, est-ce qu'il faut retirer ou pas? Parce que ce dentier, concrètement, il empêche à l'eau de parvenir à certains membres de la bouche. On est d'accord? Et donc, on fait quoi? Il fait partie de la bouche. Il ne fait pas partie de la bouche. Le mess. Tu veux faire le mess dessus. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il a répondu à cette question. Et il dit, إِذَا كَانَ عَلَى الْإِنسَانِ أَسْنَادْ مُرَكَّبَةً فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُزِيلَهَا وَتُشْبِهُ هَذِهِ الْخَاتَمُ فَالْخَاتَمُ لَا يَجِبُ نَزْعُهُ عِنْدَ الْوُدُوءِ بَلِ الْأَفْضَلُ أَنْ يُحَرِّكَهُ لَكِنْ لَيْسَ عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْبِسُهُ وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ كَانَ يَنْزِعُهُ عِنْدَ الْوُدُوءِ وهو أظهر من كونه مانعا من وصول الماء من هذه الأسنان لا سيما أن بعض الناس تكون هذه التركيبة شاقا عليه نزعها ثم ردها انتهى. Et donc le cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, il dit, si une personne elle porte donc un dentier, elle porte des dents des dents artificielles, barakallahu fik. Alors, ce qui est le plus apparent est qu'il n'est pas obligatoire de les retirer, car celle-ci ressemble à la bague. Et or, la bague, il n'est pas obligatoire de la retirer lors des ablutions. Au contraire, le mieux, c'est que la personne, elle, la bouge. Cependant, cela n'est pas obligatoire, car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, portait une bague. Et il n'a pas été rapporté qu'il la retirait durant les ablutions. Et donc, la bague va plus empêcher à l'eau de parvenir aux membres qui doivent être mouillés que ses dents artificielles. Particulièrement, et donc il n'est pas obligatoire de retirer donc le dentier, particulièrement, que pour certaines personnes, il est difficile de retirer le dentier puis de le remettre. Et donc ça, c'est une difficulté. Et comme on a vu, cette religion est une religion de facilité. Walhamdulillah. Et donc, il y avait d'autres points à voir pour aujourd'hui, mais nous, on va arrêter là pour ne pas faire trop long. Et on va reprendre demain, inshallah ta'ala, au sujet de... Non, toujours le lavage, toujours le fait de laver le visage. Inch'Allah ta'ala, il y a quelques points à aborder encore. On verra ça demain. Wa faqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.